Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, on va entendre Oscillazioni Alchemico Creative, Dukes of the Orient, ça c'est américain. Nouveauté de JPL, Jean-Pierre Louveton de France. On a une nouveauté de Mother Turtle de Grèce. Moon Safari, qu'on va faire un petit retour dans le passé pour souligner leur présence à Québec dans deux semaines. On aura aussi une nouveauté du groupe italien Reale Academia di Musica. Et on va aussi avoir un autre extrait du nouvel album de EO Earth. Ça, c'est un groupe britannique. Et on a une nouveauté de la Finlande, le groupe Maladai, et un extrait de leur premier album, je crois, ou le deuxième. Et on va conclure l'émission, parce que c'est la dernière émission de la saison, avec une petite pièce tranquille et nostalgique de Supertramp. Alors, on débute ça avec le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine. Et pour une première, depuis que Rock de Neurones existe, on a un groupe qui occupe cette position durant deux semaines consécutives et c'est le groupe Oscillazioni Alchemico Creative. C'est un collectif de musiciens qui tourne autour d'un artiste italien, mais ce qui est à noter, c'est la présence de beaucoup de musiciens qui sont assez connus, dont David Jackson de Vandegrave Generator, on a Richard Sinclair de Caravan, Sonja Christina de Curved Air, Mart Alcock de Jethro Tull et Derek Wilson de Goblin. Alors sans plus tarder, je vous propose quatre autres extraits de ce très bon album. On débute ça. Play from a candle when light turns to gray. Sweet dreams change night into day. Invitation feast. Guests from west to east. Banquet of nobles, strangers and friends. Stare at me, call to what ends. Lord is whispering. Intertwined. Whispered though, isn't it? Yeah. Thank you. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation italienne Oscillazioni Alchemico Creative. Et on a entendu 4 pièces extraites de leur premier album, Giordano Bruno. Et ça, c'est paru il y a quelques semaines. C'est tout récent. Alors, après la pause, Dukes of the Orient, JPL. En fait, JPL ou Jean-Pierre Louveton et Mother Turtle de Grèce. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter le deuxième bloc de l'émission, on a une nouveauté du côté des États-Unis, c'est Dukes of the Orient. C'est un nouveau groupe formé par deux membres de la formation Rocket Scientist, et j'ai nommé Eric Norlander et John Payne. Et c'est leur premier album. L'album, c'est éponyme. Alors, on va entendre la pièce « Give Another Reason ». Et ça sera suivi de Jean-Pierre Louveton, qui vient de faire paraître son 8e album studio. Et c'est la troisième, c'est le troisième volume de la série « Retrospections ». Et on va entendre la pièce « Mes heures sombres ». Et pour conclure le bloc, nous avons de la Grèce, « Mother Turtle ». C'est un groupe... qui a déjà 3 albums à son actif depuis 2013 et le plus récent, mais il s'intitule Z-Mice et on va entendre Z-Mice Part 2. Alors on débute ça avec Dukes of the Orient. Thank you. night was the day. Now that you're eating every single word, don't you feel there's something you should do? So easy to sit back, enjoy your day. We'll be right back. Thank you. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Mother Turtle de Grace avec la pièce Z-Mice Part 2 et c'est extrait de leur plus récent album Z-Mice. Et auparavant, nous avions Jean-Pierre Louveton. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que Jean-Pierre Louveton, c'est le guitariste de la formation Nemo. Alors, je ferme la parenthèse et on a entendu Les Heures Sombres et extrait de Rétrospection volume 3. Et en début de bloc, nous avions la formation américaine Dukes of the Orient et la pièce Give Another Reason, et c'est extrait de l'album éponyme, le premier du groupe. Alors après la pause, Moon Safari, Reale Academia de Musica et I.O. Earth. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec Moon Safari, qui est une formation de Suède. Et c'est un groupe de la mouvance moderne du rock progressif. Ils sont actifs depuis 2005 avec 4 albums studio, le dernier en 2013, ça fait déjà 5 ans. Et la raison pourquoi on fait jouer Moon Safari aujourd'hui, bien, c'est pour souligner leur prestation qu'ils feront à Québec le 19 mai. À la convention Terra Incognita à Québec, au centre d'art La Chapelle. Et aussi, on aura la présence du groupe Trifluvien Circus la veille, le samedi. Le samedi, on aura Wobbler comme pièce de résistance et Circus nous fera une prestation qu'on pourra entendre le samedi 12 mai à la brasserie de Normanville à 21h. Alors moi, j'y serai. C'est une avant-première de ce qu'ils feront à Québec. Alors, ça me fera plaisir de saluer les amateurs de rock progressif de la région de Trois-Rivières. Alors, on débute avec Moon Safari et ça suivra avec Reale Academia de Musica. C'est une formation italienne qui a fait 2 albums en 72 et 74 et il y a eu une éclipse de 34 ans avant qu'ils sortent un troisième album. Et aujourd'hui, ben, il y a quelques jours, en fait, quelques semaines, ils ont sorti leur 6e album studio, Angeli Mutanti. Et on va entendre 2 pièces extraites de cet album-là. Et on va conclure le bloc avec la formation britannique I.O. Earth, qu'on a déjà fait jouer comme album de la semaine, là, il y a 3 ou 4 semaines. Et on revient aujourd'hui avec une autre pièce de l'album Solitude. Et la pièce, c'est Madness. Alors, on débute ça avec Moon Safari. Of the jury, there is truth be told. Nothing I can say you don't already know. I guess it all started when I first laid eyes on something all too pretty for my childish sight. Such a light got me hypnotized. And though my pretty face and velvet voice would do, I wish to bring a gift to show my love so true. First I pick some flowers, then I realize for this I need a greater scheme, a bigger dream, a surprise worthy of her blue eyes. I climbed up again on Heaven Hill. That's where I found my thrill. I stole. You'll get a piece if you tell it straight. There's a room here for romantic flights, a silly escapade stroll. You'll be sad as a sea where lies no more. On the end of the darkest shore. So throw me in the hole, I'll soon see Chinaman. Lock me in the tower, then I'll soon ascend. I'll do my time just thinking of her blood red dress. I live on bread alone and just the thought of her sweet caress makes every man confess. I climbed up again on heaven hill. I found my I'm io sono qui nella sera, mentre la luce che se ne va diventa una preghiera e nascerà una canzone diffondendo il suono di una parola. Io sono qui sotto il cielo, nuvole, pioggia, alberi, roccia, goccia su uno stelo, e sorgerà l'arcobaleno dipingendo il mondo dei suoi colori. Ed io canto nella luce del mattino, sento che cammino, ed io canto delle mille forme che inventi se ti muovi. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va terminer l'émission avec une nouvelle formation de Finlande. C'est le groupe Maladai. Ils viennent de faire paraître un album qui s'intitule Toinen Toista. Et je vous propose la pièce de résistance de cet album-là, qui est quand même dure 22 minutes, près de 23 minutes. C'est Nurja Puoli. Et pour conclure l'émission et la saison, je vous présente une petite pièce de Supertramp, un peu nostalgique, qui donne mon état d'âme lorsque je finis une saison. En effet, ce sera la fin de la saison 2017-2018 et on en reparle après le bloc. Kohtaloa ja kylmän totuuden varjoa. yksi pelastustaan polvilla pyytää, nuhteessa synneistä puhtaana elää. Toinen hedonismiin tiedän sen, varjoilla valaistuttiin meidät kaikki vie. Kuusesta putosi, opetukset unohti, kohti seitsemään taivastaan. Taival oli kovin vaivaista, matkalla maalliseen maaliin, päätyen vain saviseen vaasiin. Kuori oli sen nurja puoli, varjon se vaisto tuhkana tulevaisuuteen. We'll be right back. oli sen nurja puoli, varjon se vaistoo tuhkana tulevaisuuteen. Fell on us. You and me, we didn't have a problem or a care on us, and all around was silence everywhere. You are the reason I was born. Be with you through all seasons. I'll always hear you when you call. We'll keep the love light shining through each night and day. A lonely life behind me. Oh, what a change you've made. So down here on the ocean, we will stay. We will stay. Went through a lot of changes, turned a lot of pages. When I took the boat on Sunday, Supertramp et la pièce Downstream, ça c'est extrait de Even in the Quietest Moment, c'est paru en 1977 et la première fois que j'ai écouté cette pièce-là, c'était à Gagnonville au Petit Canada. Je sais pas s'il y en a qui des auditeurs qui se rappellent cette époque-là, mais c'était merveilleux. Et ça a été précédé de Maladai, une formation de Finlande et la pièce Nunja Puoli. Et c'est extrait de leur premier album, Toinen Toista. C'est paru il y a quelques semaines. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones. Et ça met aussi fin à la saison 2017-2018. L'émission fait relâche pour la période estivale. C'est pas exclu que je revienne à l'occasion pour quelques petites émissions spéciales. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment des disponibilités d'antenne, parce qu'il y aura la saison de baseball des Aigles de Trois-Rivières à l'antenne de C'est fou. Alors, ça me fera plaisir, en tout cas, surveiller la page Facebook de l'émission, parce que vous allez pouvoir retracer ça si on décide de faire des émissions spéciales. J'en ai deux, trois en tête, notamment sur le rock progressif des années 70, là, les premières moutures des musiques que j'écoutais à l'époque. ceux qui veulent, qui ont une petite nostalgie dans le courant de l'été, vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neuron et il y a un lien vers les émissions archivées. Alors, il y en a plus de 125 et toutes les pièces sont identifiées. Alors, vous pouvez, si vous avez le goût d'écouter ce qui se passait il y a un an ou il y a 6 mois ou il y a 4 ans, alors faites-vous plaisir. Alors, ça met fin à la saison et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous pour une nouvelle saison l'an prochain, en septembre. D'ici là, je serai présent à différents spectacles, notamment celui-là de Circus la semaine prochaine, en fait le 12 mai, le samedi 12 mai, à la Brasserie de Normanville. Je vous invite aussi à surveiller la page Facebook parce qu'il y aura probablement une émission spéciale pour souhaiter la bienvenue à JJ Project, un groupe hommage à Gentle Giant qui sera à Trois-Rivières le 8 septembre. Alors, j'aurai probablement une émission spéciale avant cette prestation de JJ Project. Je souligne qu'ils sont déjà venus il y a 2 ans et ça avait été une très belle performance. Je les ai vus aussi à Québec à 2 reprises. Alors, c'est un groupe fétiche dans mon cas parce que Gentle Giant, faut pas s'en cacher, ça a été un groupe marquant dans ma carrière de mélomane. Alors, bon été!